Le comité Suisse-Corée et le Cercle Suisse d'études des idées du Tutsi ont publié le 5 courant une déclaration commune pour accuser les États-Unis qui ont présenté le 30 juin des données frauduleuses de toutes sortes dans le rapport sur le trafic humain 2016 pour porter atteinte de nouveau au prestige de la République populaire démocratique de Corée.